j'ai 6 mois de décaper des poissons style survolté. Décaper des d'accord avec personne et tout à l'heure ses arguments. Décaper un corps avant tout parler de décaper. De la grange de Christophor, leur lieu de rencontre et de fermeté. Et de l'éléphant, fervent gardien aux défenses saillantes et aux parapluies rougeaux.